On voudrait bien nous faire croire que tout dans ce monde est binaire, que le soin ne comporte que le voir rien d'extraordinaire, qu'il y a le noir ou le blanc, le cher et le pas cher, le petit garçon gentil et l'autre privé de zéro. On voudrait bien nous faire croire que tout dans ce monde est binaire, que le soin ne comporte que le voir rien d'extraordinaire, qu'il y a le noir ou le blanc, le cher et le pas cher, le petit garçon gentil et l'autre privé de zéro. Je crois pas être dans Matrix, c'est moi les chiffres ne me parlent que très peu. Quand un putain de coupe mes frais, un tableau de Brassens mes bœufs. Suivant la théorie qui dit que sur cette planète tout est binaire, j'aurai aucune réflexion, juste de l'imaginaire. Alors je me mets à imaginer un monde sans calculette, un univers où il n'y ait pas que la moitié des gens, pour être honnête, un paradis où il n'y ait pas de premier et second degré, mais des tonnes de niveaux différents pour nous faire marrer. Pas juste des hommes politiques, soit de gauche, soit de droite, mais des centaines d'opinions en collaboration étroite. Pas juste un hémicycle ou un beau parlement, ni un lieu étriqué propice au embobinement. Le choix est court entre chaînes privées et jeune public, mais on peut le multiplier à coup d'antenne parabolique. Selon eux, on peut être soit drogué, soit ne l'être pas, soit vivre, soit ça fait faride au milieu d'un commissariat. On voudrait bien nous faire croire que tout dans ce monde est binaire, que les choix ne comprennent que de voir rien d'extraordinaire, qu'il y a le noir ou le blanc, le cher et le pas cher, le petit garçon gentil et l'autre privé des airs. On voudrait bien nous faire croire que tout dans ce monde est binaire, que les choix ne comportent que de voir rien d'extraordinaire, qu'il y a le noir ou le blanc, le cher et le pas cher, le petit garçon gentil et l'autre privé des airs. On aurait le choix entre deux directions, soit on est vivant, soit on est mort, soit on est cool, soit on est con. Et cette seule théorie suffit à nous diviser par sexe, religion, par ethnie ou par quartier. Dans cette programmation j'envoie des données virales, une grande base de fichiers en mode inaltérable. Vas-y pioche, t'as que tes raisons à choix multiples, oublie ce mode binaire et suis donc ta propre logique. Crée des réponses différentes afin d'affoler les crétins si t'es sur une mauvaise pensée. Bascule le terrain, t'as une heure, dis-toi qui reste l'espèce. Et le sud, manière faible ou manière forte, choisis la manière rude. On voudrait bien nous faire croire que tout dans ce monde est binaire, que le soin ne comporte que le voir rien d'extraordinaire, qu'il y a le noir ou le blanc, le cher et le pas cher, le petit garçon gentil et l'autre privé des terres. J'ai le choix entre un PN et une fin dramatique. J'ai pas la tête à être triste, pas la main. Euphorie comme pessimiste et optimiste. Pour la troisième fois, c'est la fête avec mes potes en attendant que ce mode binaire me croit. Faire croire que tout dans ce monde est binaire.